Salut à tous et bienvenue à l'épisode 4 d'Épistémia. Cette fois-ci, mon ami Simon Lévesque vient me parler d'un article qu'il a écrit pour la revue Signe Noir, revue des étudiants de l'UQAM qui parle de sujets entourant la sémiologie. Je vais me garder de faire des introductions maintenant puisque nous le faisons déjà au début de notre conversation. J'aimerais mentionner, entre autres, que c'est mon podcast favori jusqu'à présent. Le sujet est surprenant mais important. On parle ici de stockage de déchets nucléaires, et quelles sont les stratégies pour communiquer le danger de ces sites à des humains de l'avenir qui auront probablement peu en commun avec nous? On se rend compte assez rapidement que ce n'est pas aussi simple que de mettre une pancarte rouge avec le mot « danger » inscrit dessus, et on voit que les solutions pensées pour pallier le problème de la communication à très long terme sont créatives, inattendues, stupéfiantes, mais surtout peu pratiques. Je vous laisse découvrir le sujet, je vous souhaite une bonne écoute. Ça commence maintenant. Ok, non, pour vrai. Donc, on est présentement avec Simon Lévesque. Bonjour. Bonjour Simon. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, ben, c'est pas si grave que ça parce que j'essaie que ça. Il n'y avait pas de temporalité dans. Ouais, c'est ça, ça va être écouté à tout moment. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est même pas bon parce que tu peux l'écouter 3 jours de suite. Puis, est-ce que c'est quel jour aujourd'hui? Question existentielle déjà en commençant. Ouais, ça commence rough. Fait que. Donc, ouais. Avec Simon Lévesque, tu es étudiant au doctorat en sémiologie? En sémiologie, oui. À l'UQAM? À l'UQAM, ok. Puis, tu es ici pour nous parler de... Moi, je pensais que tu me demanderais tout de suite c'est quoi la sémiologie. Ok, ouais. Mais ouais, c'est une bonne question, mais parce que ça peut être long aussi. Ça peut être très court. Ça peut être très court? Ben ouais. Ah ouais? Ben ouais. C'est quoi la sémiologie? C'est l'étude des signes. Effectivement, c'est comme ça que je le décris moi-même. Mm-hmm. C'est tout? Veux-tu qu'on définisse qu'est-ce qu'un signe? Ouais. Là, ça va être long. Ben, peux-tu le faire en comme 5 phrases? Ouais. Ben, dans le fond, les origines de la sémiologie, ou ce qu'on appelle souvent les études sémiotiques, elle est double. En partie, la médecine, parce que, dans le fond, les premiers médecins, là, Hippocrate, Galien, ils procédaient à l'analyse des symptômes. Puis le symptôme, c'est déjà, dans le fond, une médiation entre un ressenti puis une manière de traduire verbalement, dans le fond, ce que tu ressens, ou bien des signes apparents là, sur le corps de quelqu'un. Donc, ça, quelque chose qui tient pour quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est la définition classique du signe. Le langage comme tel utilisé, c'est pas nécessairement le sentiment qu'on a. Non, c'est ça. C'est une traduction. C'est ça, c'est une traduction. Une médiation. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis l'autre origine, c'est la chasse. Ça paraît chasse. Étrange, ouais, mais dans le fond, quand tu vas à la chasse, tu observes les traces sur le sol laissées par les bêtes, les empreintes dans le fond. Puis l'empreinte, c'est évidemment un type de signe. Puis en fonction, là, justement, de l'apparence de l'empreinte, tu peux faire des inférences sur le moment où la bête est passée, quel type de bête c'est, est-ce qu'elle est vieille, est-ce qu'elle est jeune, est-ce que c'est un mâle, est-ce que c'est une femelle, et donc suivre sa trace pour éventuellement arriver à ton but, c'est-à-dire la chasser puis la manger. Donc, la sémiologie, c'est une quête de vérité? C'est un moyen de connaître ce qui, a priori, ne se présente pas au sens. OK. Il y a des choses qui se présentent au sens, ce sont les signes. Puis dans le fond, à partir des signes, on peut connaître d'autres choses, plus de choses. Mais des signes, bon, il y en a partout, là. On ne va pas se limiter aux symptômes puis aux empreintes, là. Tout le langage est fait de signes. L'alphabet, c'est arbitraire. C'est des signes conventionnels. A, B, C, etc. Mais ça, puis on fait des mots. Puis... Ça peut aller loin, là, la sémiologie. Ça peut aller jusqu'à comment est-ce qu'on est capable de reconnaître qu'une chaise est une chaise. Ouais, mais ça, c'est peut-être un peu stérile comme débat, là. Mais mettons, aujourd'hui, c'est-à-dire que, OK, une chaise est une chaise, est une chaise, est une chaise, c'est bon. Mais aujourd'hui, il y a des domaines qui se développent surtout en, par exemple, la biosémiotique. Puis on se demande, dans le fond, quel est le seuil du signe, de communicabilité. Parce que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est à quel moment on parce qu'on communique en signe, là, dans le fond, puis à quel moment, justement, survient cette première communication-là. Est-ce que nos cellules... Est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, la communication cellulaire procède par signe? Si oui, donc, quelle est la biosémiotique? Mm-hmm. Il y a plein d'écrits là-dessus. Ouais, c'est intéressant. Les canaux de signalisation cellulaire... Ouais. Ouais, on fait des liens avec les autres épisodes. Ouais, c'est ça, exactement. Je sais pas si l'épisode sur les cellules avec Anne-Marie va être diffusé, qu'on va diffuser ça ici. Mais bon, les canaux de signalisation cellulaire, c'est... Stay tuned. Ouais, c'est comme une problématique de la biosémiotique. Tout à fait. Okay. Ben, disons, pour dire les choses de manière plus générale, c'est pour sortir là, du niveau cellulaire et se mettre à un niveau plus, disons, organismique, là, et même pour simplifier encore les choses au niveau là, des mammifères là, dont on fait partie. Comment une espèce donnée, là, disons du règne des mammifères, de la classe des mammifères, je ne sais pas si c'est des niaiseries, mais comment une espèce donnée, en l'occurrence ici les humains, perçoivent leur environnement, mm-hmm. et dans le fond, en fonction de la façon dont ils le perçoivent, quelles sont leurs possibilités d'interaction. Hein. Donc, il y a des théories, là, il y a un type américain qui s'appelait Gibson, qui a beaucoup travaillé l'approche de la perception visuelle, puis il a forgé un terme qui s'appelle, qui n'a pas de traduction, en fait, il y en a une maintenant, parce que le livre a été traduit, mais j'aime pas trop la traduction, on va garder le terme anglophone, c'est affordance. Okay. Ça se traduit généralement par affordance, d'ailleurs, c'est un vocabulaire qui est beaucoup utilisé dans les jeux vidéo. Ok. La traduction récente de 2014 dit « invite ». J'aime pas trop ça, mais bon, « affordance ». Les affordances, c'est ce que les signes te permettent de faire, dans le fond. C'est ce que tu perçois dans ton environnement te permet d'interagir avec celui-ci de telle et telle et telle façon. Et là, la théorie, bon, de l'Umwelt, là, du monde propre, c'est un peu cette idée-là que... Umwelt, qui est un mot... Allemand, ouais. Ouais, U-M-W-E-L-T. E-L-T. Ouais, qui vient de Jacob von Uxkull, qui était lui-même germano-balte. Il a écrit ça au début du 20e siècle. OK. Traité de biologie, etc. Et puis lui, donc, il a un peu forgé le terme de Umwelt. C'est l'idée, donc, que chaque individu a un monde propre. Évidemment, on peut concevoir que des individus d'une même espèce partagent beaucoup de perceptions entre eux, mais il faut quand même considérer l'expérience, puis des variances légères. Mais qu'entre deux espèces, évidemment, ça va être très, très différent. Puis il donne l'exemple de la tique. Une tique, ce que la tique perçoit est extrêmement limité. La tique, essentiellement, en fonction de son programme biologique, elle veut se reproduire, comme tout organisme vivant. Donc, elle va monter sur une tige, une herbe haute, et puis elle va attendre que de percevoir, dans le fond, une chaleur, qui serait hypothétiquement un animal, là, sur lequel elle va pouvoir se laisser tomber, se fixer, mordre, et là, à ce moment-là, elle va procréer de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir se reproduire. Ça va être ça, son terreau de reproduction, en quelque sorte. Elle a besoin de cette chaleur-là, puis je pense qu'elle se nourrit, enfin, éventuellement, de la bête. Donc, ce qu'elle perçoit, c'est extrêmement limité. Elle perçoit la chaleur, puis elle sait si elle s'est accrochée ou non. Puis ça suffit, parce que ce que l'organisme veut, c'est se reproduire. Bon. On voit que c'est... En tout cas, c'est ce qu'on pense, là. Au meilleur de notre connaissance, c'est ce qu'on sait que la tique perçoit. On peut pas encore rentrer dans la psychologie de la tique, là. Non, c'est ça. Mais en tout cas, nous, on voit que notre nouvelle est beaucoup plus complexe et développée. Donc, là, il y a cette idée-là d'une complexification du monde propre selon les espèces. Et éventuellement, là, cette question d'une liberté sémiotique plus grande en fonction, justement, de la complexification de notre rapport au monde. Mais ça, c'est pour la recherche de pointe en biosémiotique. Là. Ouais. C'était plus les bases de la recherche en biosémio, mais c'est pas trop ce que je fais, là, même si je m'y intéresse beaucoup. Ouais, ça là, tu fais un doctorat sur un sujet. On n'est pas ici pour parler de ton doctorat, non. Mais je veux dire, tant qu'à y être, tu peux juste mentionner le titre. Pas le titre, mais le sujet. Non. Non, ok, non, c'est correct. Non, je pourrais bien, mais... Non, mais je veux dire, t'es plongé dedans depuis des mois. Ouais, c'est ça, je le rédige en ce moment, fait que j'ai pas trop envie d'en parler. Ça me faisait vraiment plaisir d'accepter ton invitation, de venir à vélo jusqu'ici pour penser à autre chose. Ouais. Mais plutôt que de parler de ma thèse, j'imagine qu'il y aura d'autres occasions d'en parler. Non, clairement, je te réinvite quand tu l'as fini. C'est ça. sujet infini. Donc, on peut parler quand même d'autres travaux que j'ai faits dans le cadre de ma thèse, entre autres un travail sur... la communication à long terme entourant les sites de stockage de déchets en couche géologique, de déchets nucléaires, pardon, en couche géologique profonde. Oui, oui. C'est quand même complexe comme sujet. Ouais, je vais juste mentionner que moi, j'ai vu que tu avais Tu avais écrit ça sur la revue Signe Noir. Ouais. Signe comme l'animal. Mais tu as fait ça en marge de ta thèse? Ouais, ça n'a rien à voir avec ma thèse. Ok. C'est complètement étranger à mon sujet de Tu as fait thèse. ça parce que ça t'intéressait. Ouais, en fait, ça m'intéresse depuis très longtemps. 3-4 années. Et puis même quand j'étais au Cégep quand j'ai lu un roman qui évoquait le rapport de Thomas Sibiok sur la question de la communication à long terme. À l'époque, je savais même pas que Thomas Sibiok était un sémioticien, mais j'ai lu ça dans un roman, là, un roman de un tchèque qui s'appelle Tachik. Ok, c'est quoi, tu te souviens du nom? Non, non, je me souviens pas. Mais c'est à l'époque, c'était publié aux Allusifs. Ça existe encore, les allusifs? Ça existe encore, c'est mort, c'est revenu. Ouais. Ouais. Il y a une joke plate à faire avec allusif, puis le fait que c'est son tough à trouver, mais Oh. on la fera Tu l'as pas. fait? Ouais, malheureusement. Donc c'est un sujet qui m'habite depuis Ouais. longtemps, même avant même que je le sache, il y avait comme un germe qui avait été planté. Avant même que tu t'intéresses à la Une graine, sémiotique. pardon, qui avait été plantée, qui a germé. Faut quand même faire des bonnes métaphores. Ouais. Avant même que je sache que la sémiotique était. Ouais. Donc, le problème nucléaire comme tel. Ouh, là, t'abordes la question. Le problème nucléaire. Ben, Ouais. le problème nucléaire, c'est que ça crée des déchets. OK. OK? Des déchets radioactifs. OK? Puis, bon, je pense pas avoir besoin ici d'expliquer les dangers de la radioactivité. Non, tu rentres en contact avec ça, ça tue tes cellules. Mais ça cause des cancers, éventuellement la mort. Ça dépend du degré de radioactivité de la zone dans laquelle tu entres. Ça dépend du temps d'exposition, ça dépend de beaucoup de choses. En fait, ça peut changer ta constitution génétique. C'est quand même assez grave, là, dans la mesure où la génétique, normalement, change sur des très longues périodes de temps à travers des bassins de population. Mais là, c'est dans l'ontogenèse, c'est-à-dire dans la durée de ta vie, puis ben, la transformation génétique risque bien de. Tu sais, tu vas muter essentiellement, mais les mutations, t'es pas tellement. T'es pas apte à les recevoir. C'est ça, en fait, ces mutations-là te tuent. Ouais. Sauf exception, moi, en fait, je connais pas d'exception, là, je pense pas. Mais toutes les mutations sont des maladies, finalement. Soudainement, t'arrives pas à voir à travers les murs. Ce qui arrive plutôt, c'est que tes cellules Non, changent c'est et tes ça. yeux, ils désintègrent. Il y avait un film comme ça où le type pouvait voir à travers les portes de bois. C'était drôle. Juste les portes de bois. Ouais. Pas les murs en Mais bois. c'était ça le gag. Ça le gag. Ouais. C'est-tu un film de Cégepien? Donc, les déchets nucléaires, Mais c'est c'est un film d'Hollywood, là. un film d'Hollywood. Oui, mais j'étais au Cégep. Ah, ok. Alors, je pensais que c'était un Tu film sais, qui c'est avait genre à été. l'époque de Dude, Where's My Car? Ok, c'est une comédie. Ben oui. Ça pourrait être un drame existentiel, un film d'horreur aussi. Ouais. Non? Non, non, c'est pas un drame. Bon, mais pour revenir aux déchets, Les déchets ça, c'est nucléaires. plus de l'ordre de la tragédie, en vérité, même si on le réalise pas tellement. Pourquoi je dis que c'est une tragédie? Parce que ça menace, en fait, l'entièreté de l'espèce humaine, et même au-delà du tout le règne animal et éventuellement végétal, etc. Finalement, ça menace la vie sur Terre, l'équilibre de nos écosystèmes, etc. Parce que ça affecte pas juste les humains, ça affecte n'importe quoi qui est cellulaire. Ouais. Mais bon, nous, on connaît bien les effets que ça fait sur les humains, mais si tu vas à Tchernobyl, apparemment, il y a des espèces qui se portent très très bien, notamment parce que les humains sont partis, donc ils ont réclamé un peu leur espace de vie. Il semble que leur mutation leur ait été profitable à eux, bon, dans certains cas. Oui, il y a plusieurs séries de photos comme Ouais. assez intéressantes Ouais. produites dans Tchernobyl. En effet. Mais dans tous les cas, pour nous, c'est pas du tout souhaitable. Puis on voit que les catastrophes issues de l'exploitation nucléaire civile, que ce soit justement Tchernobyl, Three Mile Island aux États-Unis, qui était essentiellement la première, puis la plus récente, Fukushima. Fukushima Daiichi. C'est des catastrophes environnementales graves, des catastrophes humanitaires également. Donc l'exploitation du nucléaire civil entraîne des problèmes en soi, okay? Des dangers, des risques. Bon, après, les gens qui s'occupent de l'analyse des risques, du calcul de risques, vont te dire que les risques sont faibles et que les mérites de cette source énergétique sont plus grands que les désavantages. Bon, c'est une manière de voir les choses. C'est un autre débat. C'est pas du tout le débat sur lequel porte dont mon intervention ici. Ouais. C'est vraiment sur la question des déchets. Okay? Peu importe si le nucléaire, on est pour ou on est contre, il faut reconnaître que le nucléaire produit des déchets radioactifs dont on n'a aucune manière de... on peut pas les faire disparaître. On peut pas s'en débarrasser. Manière de s'en débarrasser. Ouais, ça produit quelque chose de physique qui est là, ouais. Qui est là pour longtemps, si je comprends bien. Ben c'est ça, en fait. Les isotopes là, radioactifs varient en fonction des déchets, mais en moyenne, on peut calculer que la radioactivité importante, là, ces déchets-là, les déchets dont il est question, c'est ceux qui sont classés, donc haute radioactivité, vie longue. Haute activité vie longue, HAVL. Et ces déchets-là sont pas il y en a pas des masses incroyables, il y en a quand même considérablement. Il y a beaucoup d'autres déchets à teneur moins élevée qui sont dans des masses plus grandes, des quantités plus élevées. Mais le problème, c'est que il y en a pas beaucoup, mais ils sont extrêmement radioactifs, donc ils sont difficiles à manipuler. Il faut les garder dans des zones réservées. On peut pas facilement les déplacer, et puis ils constituent à la surface de la Terre un danger là, impondérable. C'est-à-dire que on voit souvent les images là, des barres de combustible nucléaire qui ont été donc épuisées en quelque sorte, ils sont dans des piscines, puis ça c'est leur zone, disons, d'attente. De repos, ouais. Mais dans le fond, imaginons un tremblement de terre qui fend la piscine, puis les barres se disséminent. Ben là, on vient finalement de disséminer de la radioactivité. Ouais, parce qu'ils sont dans l'eau, parce que l'eau, c'est quelque chose qui bloque. C'est un isolant. Oui, c'est un isolant. Ouais. Puis il y a d'autres isolants. Okay? Il y a plein de contenants qui existent, là, parce que parfois, il faut effectivement les déplacer, ces déchets-là. Parce qu'il existe des traitements, là, puis il existe une espèce de cycle de retraitement des déchets. Qui est surtout en fonction en Europe, en France. Mais même avec le cycle de recyclage, il y a des pertes. C'est-à-dire des pertes. Il y a des déchets, point. Ouais, il reste quelque chose qu'il faut gérer. Il y a des résidus qu'il faut gérer. Puis ils sont donc très radioactifs. Et donc, il existe des contenants en béton. Ouais, comme le sarcophage qu'ils ont fait pour Tchernobyl. Ouais, par exemple. C'est du béton, du ciment. C'est ça. Ça fonctionne assez bien, sauf que éventuellement on accumule ce béton-là, donc à la surface de la Terre, puis il reste que il y a un danger inhérent à ça. Ouais. Puis c'est pas une solution de masse. Ok. C'est vraiment une solution de transport essentiellement. Ces contenants-là. Ça s'appelle Ducrete, Synrock, des trucs comme ça. C'est les noms de technologies. Là. Ok, c'est les noms de technologies. Ouais, c'est pas les noms des compagnies. Là. Appelez Synrock. Synrock, d'ailleurs, c'est vraiment un bon nom de band. Ouais, ok. Un bon genre de musique, Synrock. Synrock. Donc il faut trouver une solution pour la gestion. Mais juste pour savoir, ces déchets-là sont radioactifs pendant combien de temps? Ah oui, j'ai pas répondu à la question. C'est quoi la demi-vie d'un déchet radioactif? Ben c'est ça, c'est variable. Ceux qui sont hautement variables, ceux qui causent les plus gros problèmes. Mais ça peut être de 10 000 ans à 2 millions d'années. 2 millions d'années. Ouais. Donc là, si on considère, disons, cette temporalité-là par rapport à l'évolution des civilisations humaines, ce qu'on a pu enregistrer, là, disons, les travaux archéologiques, mais aussi les travaux vraiment sur l'histoire des civilisations, ben, on a quoi? Le néolithique, c'est il y a 10 000 ans. Ben, 10 000 avant, notre ère. L'ère commune. L'ère de Jesus. Ben, souvent, il y a des gens qui appellent ça maintenant, tu sais, BCE, à place de dire BC, parce que BC, c'est comme Before Christ. Mm-hmm. Mais maintenant, ils disent BCE, comme Before Common Era. Ouais, mais c'est pas cool pour les musulmans qui, eux, ont comme date de départ l'Égypte, qui est comme en 652, si je ne me trompe pas, ou 600 quelques, en tout cas. On pourrait... De notre ère commune. Ouais, n'importe quoi qu'on pourrait dire, nécessairement, ça serait... Ouais. Ce serait un point de vue d'une civilisation par rapport à une autre. C'est sûr que les Chinois n'ont pas la même ère commune que nous. Non, c'est ça. Fait qu'elle est commune... jusqu'à un certain point. En Occident. C'est ça. Donc, ben, les civilisations... Prenons, par exemple, là, civilisation égyptienne. Bon, 5000 ans, peut-être. Ouais. Donc, on voit bien qu'on n'a pas les moyens, disons, d'envisager, sur une aussi longue période, les retombées de nos productions, en fait, de nos déchets. Parce que c'est vraiment des déchets. Mmh. Que... Ils sont actifs, c'est ça le problème. Puis pour des dizaines, 10 000, 40 000, 300 000 ans... Je voulais juste dire un petit fait intéressant. Ouais. Juste pour comme mettre en perspective les Égyptiens. Ah, ouais, ouais. Les Égyptiens, ça fait... On... Tu dis 5 000, on s'entend des fois pour dire 4 000. Ouais, ouais. Je dis ça de même. Mais les Égyptiens étaient aussi anciens pour les Romains que les Romains le sont pour nous. Ah ouais, c'est cool. Ouais, hein? T'sais, quand les Romains étaient vivants, puis ils étaient devant comme des trucs égyptiens... Pour eux autres, c'était quelque chose de lointain. C'est comme, waouh, ça fait tellement longtemps. Mm. Ça fait deux fois plus longtemps. Mais la civilisation égyptienne était encore tout à fait active. Ouais, mais ils vivaient dans leurs ruines, ben, dans leurs merveilles. Ouais. Mais parce que là, César a connu Cléopâtre. Ouais, mais tu sais, les grandes constructions, les restants des débuts de la civilisation égyptienne, ce qu'on connaît maintenant, les pyramides. En fait, je sais pas, les pyramides, il y en a plusieurs. La vallée des rois, et trucs comme ça. Ouais. Anyway, juste pour dire, juste pour mettre un peu de perspective sur la chose. Ouais. Bon, après, il y a évidemment des sociétés humaines qui ont vécu extrêmement longtemps et bien avant là, l'Égypte, mais disons. Prenons comme point de départ les sociétés qui avaient l'écriture et qui donc ont laissé des institutions dont on a retrouvé des traces. C'est pas si loin dans le passé. En fait, c'est très loin, mais c'est pas si loin dans le passé quand on adosse ça à la durée de la radioactivité des déchets qu'on est en train de produire en ce moment. Mm-hmm. Donc là, c'est un changement un peu de perspective temporelle par rapport à notre impact. C'est ça. Sur la Terre. Ce qui arrive, c'est que les civilisations qu'on a, je pense que les écrits les plus vieux qu'on a, c'est, je pense c'est les Sumériens. Ouais. Ça, c'est 6000, 8000 ans dans le passé à peu près. Je pense que c'est même trop, tu recules peut-être même trop loin. Ouais. J'ai pas mon Sumérien à portée de demain. Non. Quelqu'un corrigez-nous, s'il vous plaît. Et le truc, c'est que, bon, ça c'est les écrits, c'est relativement récent si tu considères l'histoire de l'être humain qui date au plus tard 250 000 ans, je pense. Oh, le débat a été réouvert là, maintenant, là, c'est compliqué. À quel moment l'humain est un humain, là, l'espèce... De 100 000 à 250 000 ans, à peu près. Là, on parle de déchets qui durent 8 fois plus longtemps que ça, potentiellement. Dans le futur. Dans le futur. Déjà qu'on ne peut pas prévoir le futur. Ouais. Ben, on peut dans une certaine mesure, mais de manière assez limitée, malgré ce que les gens de la Silicon Valley aimeraient bien vous faire croire. Mm-hmm. Donc, on n'a aucun moyen de calculer, de prévoir ce qui va se passer dans 10 000 ans. Néanmoins, ça a été le défi qui a été lancé à une équipe de chercheurs quand les États-Unis ont voulu construire le premier site de stockage de déchets nucléaires à Chernobyl. Mm-hmm. Puis, donc, il y a une équipe qui a été constituée. Et la personne qui a écrit le rapport, qui était le chef d'équipe, était Thomas Sibia, qui est un sémioticien états-unien. Et évidemment, il y avait d'autres gens qui travaillaient avec lui, mais il a synthétisé les propositions, puis il a surtout mis en place les éléments du débat. La durée à envisager avait été fixée arbitrairement à 10 000 ans dans le cadre de ce rapport-là. Donc, il devait réfléchir à une manière de communiquer dans la durée à travers les âges. Parce que, en fait, c'est ça, son rapport s'appelle Communication Measures to Bridge Millennia, un truc comme ça. OK. À peu près. Là, ça aurait été plus hot through the ages, mais... Ouais. Mais Bridge Millennials, c'est quand même pas super. Ouais, c'est quand même cool. D'ailleurs, je pense que j'ai un peu massacré son titre, mais ça ressemble à peu près à ça. Et donc, étant sémioticien, il a posé les questions fondamentales. Quels types de signes sont les plus aptes à communiquer dans la durée, hein, enregistrer l'information de manière à ce qu'elle soit, elle perdure. C'est ça, parce que ce qu'on veut, en fait, c'est... Il y a des sites d'enfouissement, puis on veut dire aux civilisations de l'avenir... Attention. Ouais, essentiellement, c'est ça. Fait que là, c'est déjà intéressant parce qu'on voit qu'il y a une dimension éthique. On le sait qu'on est en train de laisser des déchets aux générations futures. Puis on veut les prévenir des dangers parce que on peut supposer que la civilisation s'effondre. Disons, la civilisation occidentale, maintenant avec la mondialisation, bon, peut-être l'entièreté de la planète va s'effondrer éventuellement à cause d'une crise climatique, ça, que sais-je. Ça se peut que le nombre d'humains baisse énormément, qu'il y a comme une nouvelle civilisation qui revienne, des gens qui parlent pas nécessairement les mêmes langues qu'on parle présentement. Tout à fait. Parce que les langues changent extrêmement rapidement, je pense, dans le temps. Ben disons, plus rapidement que décroît la radioactivité des déchets nucléaires. Donc... Oui, ça change quand même rapidement. Là, je ne sais pas si tu as déjà entendu, récemment, il y avait ça, des lectures d'anciens anglais. Oui. Genre la légende de Beowulf, lue dans l'ancien anglais, bon, reconstitué, là, au plus près, ça sonne, je sais pas, gaélique, vieux norrois. Ouais, j'avais vu aussi quelqu'un qui essaie de lire du Shakespeare. Ouais. Mais avec l'accent, les accents et les intonations du temps, puis ce qui arrive, c'est qu'il y a toute une nouvelle couche de signification qui apparaît, parce qu'il y a des jeux de mots qu'on n'a pas maintenant, parce qu'on ne prononce pas les mots de la même manière. Bon, donc c'est ça, ça change quand même trop rapidement, puis c'est difficile de suivre. Évidemment, on peut traduire d'une langue à l'autre, mais il n'y a rien qui dit qu'on ne va pas perdre justement la compréhension d'une langue. D'ailleurs, ça a pris énormément de temps avant qu'on décode les hiéroglyphes égyptiens. Ouais, mais on a eu de l'aide avec les hiéroglyphes égyptiens. On a eu la pierre de Rosette. Exactement. Ouais. Donc, une des solutions qui a été avancée, justement, c'est de faire une sorte de pierre de Rosette à travers le temps, puis de consigner, là, dans le fond, de traduire les indications entourant ces sites-là au fur et à mesure que les langues évoluent, de s'assurer qu'elle soit traduite. Mais là, un des problèmes apparaît qui apparent, j'allais dire un des problèmes évidents qui apparaît, pardon, c'est qu'il faut que ce soit entretenu. Et là, c'est pas dit justement qu'il va y avoir une institution pour entretenir ça. C'est une difficulté quand même importante. Ouais, c'est ça, parce que si on le met en quelque part, les matériaux sur lesquels les indications sont marquées vont probablement s'effriter. Ah, c'est ce qu'on n'a pas, on a pas décrit le genre de site de stockage en question. Okay. On parle de sites de stockage qui sont entre 300 mètres et 1000 mètres de profondeur sous la surface de la Terre. Oui. Dans lesquels on descend les déchets et éventuellement on scelle le lieu et on n'y retourne jamais. Bon, en tout cas, maintenant il y a des débats, est-ce qu'on va vouloir y retourner plus tard parce qu'on se dit, ben là, peut-être que quand l'activité radioactive va avoir décru, on voudrait récupérer le plutonium pour avec les résidus de déchets plutonium. Non, peut-être trouver des choses à faire avec, etc. C'est ça. On peut pas prévoir dans la valeur de ce métal-là dans l'avenir. Donc, actuellement, le débat en France, par exemple, c'est on voudrait que ça puisse être que les sites puissent être réouverts après une certaine période. Mais bref, on part de l'idée qu'ils sont scellés à jamais. Disons qu'une société découvre des ruines puis se dit « Ah, je vais aller fouiller là hein, », comme on a découvert la pyramide d'Égypte en se disant « Ah, on va aller fouiller, d'ailleurs, on a trouvé des trésors ». Mais là, le trésor, ce serait pas une très bonne affaire. D'ailleurs, le trésor, c'est la mort. Ben oui, mais on a déclenché plein de malédictions aussi en pillant les pyramides. Ouais, c'est vrai, ça. C'est la même chose. Ouais, ouais. Bon, en tout cas. Les gens continuent pas à mourir en allant dans les pyramides, c'est juste ça. Mais tu penses que c'est dû à quoi, là, le changement climatique? C'est pas à cause de Khufu, là. Oh, oui, c'est le Toutankhamon, là. Ouais. On va me prendre pour un conspirationniste. Ouais, ouais. Parce que t'as pas vu le nouveau film de Mommy avec Tom Cruise, là? Ah, ça a l'air que c'est vraiment mauvais. Ah ouais? Ben, je sais pas, ça a l'air. Ben, honnêtement, Tom Cruise est relativement inégal dans ses filmographies. Ah ouais. Il a fait deux bons films de science-fiction grand public. Il a fait Tropic Thunder aussi. Ben, il a pas fait Tropic Thunder, il y a un petit rôle dedans. Tropic Thunder, c'est vraiment bon. Ouais. C'est vraiment bon, c'est un de mes films. Il est dans le top 10, probablement. Oh! Ouais. Ok. J'ai un top 5 assez spécial. En tout cas, c'est sûr que Mommy, c'est meilleur que Dunkirk. Là, tu vas partir un débat même sur ma page Facebook, man, que je n'ai vraiment pas de besoin. Non, mais juste pour dire, je sais pas si The Mummy c'est mauvais, ça se peut très bien, mais Edge of Tomorrow c'est quand même cool comme film. Bon, ni toi ni moi n'avons vu The Mummy, puis Edge of Tomorrow je l'ai pas vu non plus. Tu le regarderas. Mais okay. Bref, est-ce que Tom Cruise peut nous sauver des déchets nucléaires enfouis? Donc. Non. Donc, si Tom Cruise va fouiller... À moins que Tom Cruise, parce que c'est un scientologue, hein, je pense. Mm-hmm. Peut-être qu'il y a des secrets incroyables là, sur la communication dans la très longue durée, mais ça, j'en doute. Donc, on veut pas qu'il y ait des gens qui creusent aux endroits où on enfouit. Non, c'est ça. Donc, il faut couvrir une grande surface. Ben, on veut les repousser de ces zones-là. OK. Bon. Évidemment, donc, il faut... une pancarte. Arrêt, je sais pas assez. Ouais, ben non, parce que si la langue change, on le saura pas. L'octogone qui est la surface d'un arrêt stop qui est assez standard en Occident est parfaitement arbitraire. C'est une forme qui signifie pas de manière inhérente arrête-toi. C'est un octogone. Là, t'sais. Pareillement, on pourrait mettre, disons, au lieu de mettre arrêt en toutes lettres, on pourrait mettre une tête d'un bonhomme. D'ailleurs, une des solutions qui a été avancée, c'était mettre une réplique du cri de Munch pour dire « Ah, c'est horrible par ici. » Mais encore une fois, est-ce que vraiment on comprend le sens de ça? J'en doute fortement. On peut se dire « Oh, c'est un graffiti intéressant. Quelqu'un est passé par ici. Il y en a peut-être d'autres plus loin. Je vais continuer. » Donc, il n'y a aucun signe qui, de manière universelle, peut faire la job. Il n'y a aucun signe dont la signification perdure dans le temps. Non, ben c'est ça. Il y a des signes qui sont plus naturels, entre guillemets. Ouais. Et puis, il y a des signes qui sont plus conventionnels. Donc, leur degré de conventionnalité est plus grand. Par conventionnalité, j'entends arbitraire. Évidemment, l'entièreté du langage verbal est hautement conventionnelle. Repose sur des alphabets qui n'ont pas de raison là, naturelle. Il y a pas, les mots n'imitent pas les choses, évidemment pas. C'est pour ça qu'il y a comme plein de langages, puis il y a plein de manières de concevoir le langage à travers le monde qui sont pratiquement extraterrestres les uns des autres. C'est ça. C'est pas tout le monde qui construit leurs mots avec des lettres individuelles. Il y en a qui construisent avec des syllabes. Ouais. Après, les Chinois ont des idéogrammes au lieu d'avoir un alphabet phonétique comme nous. Ben, ouais, en fait, on n'a même pas un alphabet phonétique, mais qui a des racines phonétiques. Ouais. Donc, il n'y a pas de modalité sémiotique qui est apte à prendre en charge cette tâche-là. Après, la question, c'est est-ce que si on les combine, ça va faire un meilleur travail? Parce qu'il y a un principe de communication élémentaire qui dit si le signal est mauvais, la redondance va pallier le problème. Par signal, on entend ça, c'est des théories de la communication de Shannon Weaver. Dans le cadre de Bell, le développement du téléphone. Okay. Par signal, on entend vraiment un signal de téléphone, mais si on extrapole, on va dire ben le. Disons que moi, je parlais à peine le français, puis toi, tu parlais l'anglais. Non, attends. Disons que. On fait l'entrevue en français, mais je parle à peine le français, ça va être difficile de bien se comprendre. Donc, le signal est mauvais, mm-hmm. Okay, parce qu'on communique mal. Ben, c'est pareil, si les signes n'arrivent pas à communiquer correctement l'information qu'on veut communiquer, on va dire que le signal est mauvais. Donc, une des manières de pallier un mauvais signal, c'est d'introduire de la redondance, c'est-à-dire de répéter essentiellement le message. Ou de le communiquer de plusieurs façons. Donc, on pourrait introduire justement des signes qui sont plus naturels. Par signe naturel, on va dire des images, des empreintes. Hein. C'est plus naturel parce que l'empreinte a été laissée par vraiment un objet physique, un animal qui est passé par là, ou un symptôme apparaît parce qu'il y a des réactions dans un corps. Donc c'est plus naturel. Donc on pourrait combiner des signes plus naturels, des signes plus conventionnels, puis les rendre redondants pour s'assurer dans le fond que le message soit passé. Si un ne fait plus le travail, l'autre va le faire. Et ainsi de suite. Mais quel genre d'image et quel genre de traces pourraient perdurer 10 000 ans? Ben c'est ça le problème. Au minimum. Là, on parle de 10 000 ans parce que c'est un peu arbitraire, mais... Il y a plusieurs solutions qui ont été avancées. Il y a des gens qui se sont penchés là-dessus. D'ailleurs, plusieurs sémioticiens, parce que c'est un problème qui est quand même de manière inhérente propre à la sémiotique, la communication puis les modalités de communication. Donc, une des solutions qui a été avancée, justement, c'est de faire une espèce de grosse pierre de rosette tout autour, disons, d'un site de stockage, comme un grand anneau qui ferait, je sais pas moi, 1 km, 3 km de diamètre, dépendamment de la grosseur du site, ben, de son entrée. Un grand Stonehenge. Ouais, puis tout autour serait écrit dans le fond les indications, puis au fur et à mesure que les langues changeraient, on ajouterait des anneaux, ça aurait pour effet donc de, en plus c'est pratique, on aurait une immense pierre de rosette qui enregistrerait plein de langues de l'humanité, puis ça grossirait en plus la zone d'écart, c'est la zone par rapport à laquelle on veut mettre les gens à l'écart, puisque plus on ajoute de langues, plus les anneaux finalement épaississent. Mais le problème, c'est l'entretien. Donc, ça, c'est... Nous, on vise un système qui est auto-entretenu. Parce qu'on ne peut pas se fier à une institution, dans le fond, pour le faire. Ouais, les institutions de nos jours sont assez fragiles. Ben, oui et non, là, mais disons que... L'institution de la démocratie. Ouais. Ouais. Fait... ben, on ne peut pas s'attendre à ce qu'une institution dure plusieurs milliers d'années. C'est ça. Pour entretenir un matériel, un matériel physique, des matériaux qui dureront probablement pas si longtemps que ça. Après, ils peuvent être rénovés, mais il faut garder l'objectif, c'est-à-dire il faut connaître la finalité, pourquoi on est en train de faire ça, pourquoi il faut le rénover, à quelle fin, etc. Parce que on pourrait bien vouloir rénover les pyramides d'Égypte, on a oublié pourquoi elles étaient là au départ. Donc, on les préserve par souci esthétique et pour le tourisme. Donc, si on retrouve une espèce d'artefact monumental perdu dans un désert, au flanc d'une montagne, on se dit « Ah, c'est magnifique, on va l'entretenir, puis on va amener des flots de touristes par ici. » En fait, on est en train véritablement de contrevenir à l'objectif initial qui était d'éloigner les gens. Donc, il y a une autre solution qui a été mise à l'avant, qui est justement de laisser aucune trace, aucune marque. Et d'ailleurs, il y a un site comme ça qui se construit en Finlande, à Onkalu. Et il y a un documentaire là-dessus qui s'appelle Into Eternity de Michael Madsen. Très, un film très agréable à regarder. Ça reprend beaucoup des problèmes dont on parle ici. L'équipe de gestion du site est interviewée, puis on nous explique qu'il y a deux écoles de pensée parmi les ingénieurs du site. Ceux qui disent qu'il faut laisser le plus de traces possible, il ne faut surtout pas que ça disparaisse, il faut qu'on sache qu'il y a quelque chose là de dangereux. Et les autres qui disent, et apparemment c'est cette autre école de pensée-là qui prend le dessus, qui disent qu'il faut absolument laisser aucune trace et que ainsi la curiosité humaine ne prendra pas le pas. C'est ça, parce que si c'est enfoui à plusieurs centaines de mètres, ouais, probablement même... En Finlande, je pense que c'est 700 mètres. 700 mètres? Ouais. Parce que ça se peut aussi que ce soit des milliers, mais bon... Si c'est un fou à 700 mètres, la chance est quand même très mince que quelqu'un décide de creuser là juste par hasard. Oui, oui, puis en plus, en Finlande, ils prévoient une glaciation majeure dans les 60 000 ans. Donc, en fait, plus personne ne va habiter là. Les glaces vont repousser les gens. Donc, aussi bien laisser aucune marque comme ça, quand éventuellement les glaces se retirent, on peut repartir à neuf puis oublier qu'il y a des choses en dessous. Tant que les produits radioactifs sont stables, il ne devrait pas y avoir de problème, on ne saura pas. D'ailleurs, peut-être qu'on repose sur des masses radioactives sans le savoir. Ben, je sais qu'il y a des endroits à travers le monde où il y a des masses radioactives qui sont pas loin du sol, et les gens qui séjournaient sans le savoir, ils attrapaient des maladies, ils mouraient, puis ces endroits-là étaient considérés comme maudits. Ouais, ben d'ailleurs, j'ai lu quelque chose récemment sur Reddit. Oh! À propos du fracking aux États-Unis, là. Comment on dit fracking en français? La terrible malédiction d'être bilingue, c'est que des fois. En tout cas, l'exploitation des hydrocarbures par. Ouais, bon, ok. On voyait. Explosion des sols. Non, mais. Créer des failles. Je l'ai sur le bout du cerveau, mais on voyait avec fracking. Parce que. Il est où le bout de ton cerveau? Il est juste ici, c'est le lobe préfrontal. Ah ouais, ok. Ouais. Mais quand tu cherches quelque chose, t'as pas l'impression qu'il est juste comme là, des fois, puis t'es pas capable d'aller. Non? Non. Non? Ok. On n'a pas les chakras en même place. Non. Ah, les miens sont peut-être débalancés. Ouais. Je sais pas. C'est fait peut-être que c'est sur Reddit, mais il y a des liens, etc., etc. Mais c'est apparemment les taux dans les sols aux États-Unis, là où le fracking est très intense, dégagent des gaz, et dont les taux de certains gaz qui sont néfastes pour... j'aimerais ça nommer les gaz, j'ai oublié, mais sont néfastes pour les humains, sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs, et

Mais ça reste une partie de la solution qu'on va voir plus tard. Ben, cette solution-là n'a pas été retenue, premièrement, parce que il n'y a rien qui dit que si on change l'ADN des chats, ils vont rester dans les zones là où il y a des sites. Les chats font bien ce qu'ils veulent. Ben, ça pose des problèmes éthiques aussi. Là. De quel droit on changerait la génétique des chats, etc. Ouais, et évidemment, t'es les chats, ça peut procréer entre eux. Puis là, on change comme l'ADN de... Ben oui. Pas juste une espèce de chat, mais en fait, potentiellement tous les chats. Bon, non seulement puis c'est comme les pyramides, éventuellement, on pourrait se dire, ah, il y a des modes. Ah oui, les chats fluorescents sont vraiment beaux. J'adore ça. Puis là, tout le monde va mettre son chat fluorescent sur Instagram. Tu sais. Fait que ça va échouer. Juste pour dire, ouais. Toutes les solutions jusqu'à date ont quand même un côté attrayant qui pourrait susciter la fascination. Oui, c'est ça, mais c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'ai particulièrement aimé travailler sur ce sujet-là, parce que je suis passé de fascination en fascination et de complexification en complexification. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Là. Ça m'a pris plusieurs années pour, finalement, pour ceux qui liront l'article que j'ai écrit pourront voir. Là. Je pense qu'on va arriver à débattre de ça. Mais pour arriver à formuler le problème correctement, d'abord, puis à proposer, disons, les termes du débat d'un point de vue, justement, épistémologique et éthique. Parce que, on va sans doute y arriver quand même un peu, là. Mais à terme, l'idée, c'est est-ce qu'on veut investir le folklore, les croyances, la mythologie pour pallier un problème qui a été causé par la technologie, la science? Et est-ce qu'on veut transmettre de l'information technique? Parce qu'il faut transmettre de l'information technique sur ces zones-là, pas seulement la peur de ces lieux pour faire fuir les gens. Il faut quand même qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est enfoui là, comment ça a été construit, pourquoi on les enfouit, etc., etc. Parce que c'est quand même intéressant de transmettre l'information scientifique, l'information la plus complexe possible. Donc, est-ce qu'on veut mettre cette information-là, la formuler sous la forme mythologique pour s'assurer que ça passe à travers les âges? Parce que l'idée derrière ça, l'idée de Sébioc, c'était justement, il s'est appuyé sur l'Église catholique en disant, bon, ce qui a vécu le plus longtemps à travers les âges, c'est peut-être ça finalement. L'institution qui a demeuré le plus longtemps, c'est peut-être le Vatican. Donc, on pourrait proposer une solution de ce genre-là. Et lui, il a proposé de mettre de l'avant un clergé atomique. On pourrait l'appeler le clergé atomique. D'ailleurs, en anglais, il a dit « atomic priesthood ». Mais en mentionnant que il l'appelait comme ça pour des raisons dramatiques. Mais n'empêche, il a quand même proposé la création donc, d'une institution qui aurait, et il l'a appelé un clergé, donc qui aurait pour rôle de perpétuer les croyances, donc à un premier niveau, favoriser la superstition, investir le folklore, créer des rites qui s'accorderaient au mythe, évidemment. Et dans un deuxième temps, le clergé, qui serait une forme d'élite, aurait pour tâche, dans le fond, de reproduire l'information complexe, l'information scientifique, de la stocker, de s'assurer qu'elle perdure à travers les âges. Donc on crée deux classes. Ce qui était la vocation des moines dans le temps, d'ailleurs, de comme continuer à transmettre l'information. Mm-hmm. Tout à fait. Mais là où ça pose problème, c'est ben, d'abord... ça crée deux classes. Science et religion ne vont pas très bien ensemble, pour des raisons là, dont on pourrait discuter, mais je pense que d'autres l'ont bien fait déjà. Mais on fera un autre podcast là-dessus. T'inviteras Yves Gingras. Ah ouais, ok, je vais marquer ça, ce nom-là. Ouais, ok. T'es mieux de sortir quelques épisodes, mais ça se peut qu'il accepte de venir te parler. Non, c'est bon. Il a écrit un bouquin justement sur les relations entre science et religion. C'est paru aux éditions Boréal. Ok. De la promo ou pas? Oh, ben si tu veux. Ouais. Je suis pas payé pour ça. Non, ok. Bon. Juste mentionner, Simon Lévesque n'est pas payé pour faire la promo pour Boréal. Non, mais si vous avez un contrat pour moi, ça va me faire plaisir. ça c'est mieux. Bon, il faudrait que je finisse mon doc pour commencer. Ok, donc, science et religion vont pas très bien ensemble pour des raisons évidentes. La science, favorise une attitude de scepticisme, le doute organisé. Alors que la religion, évidemment, favorise le contraire, favorise le mystère de la foi, la croyance aveugle, et quoi d'autre encore? Suivre les manuels de bonne conduite. Les dogmes. Ben voilà. Donc cette idée-là, c'est que finalement, on en vient au point où le dogme pourrait nous servir, dans la mesure où il pourrait être plus efficace que l'information critique. Mais on a besoin de communiquer peut-être les deux. Peut-être que l'information critique suffit pas à influencer les comportements suffisamment pour que effectivement les gens s'éloignent de ces sites-là. Et puis toujours là, ça fait un certain temps que je discute de ça, qu'on discute de ça ensemble. Mais faut se rappeler que on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur. On peut se dire que dans 20 ans, il n'y aura pas grand-chose qui aura changé, encore que l'horizon des changements climatiques amène beaucoup d'improbabilités. Mais sur 100 ans, sur 1000 ans, sur 10 000 ans, on ne peut pas savoir. Donc, Ça veut quand même pas dire que l'institution du clergé atomique va perdurer. non, c'est ça. Puis d'ailleurs, il y a un paradoxe vraiment important, c'est que ce clergé-là n'existerait que parce que on crée des déchets nucléaires ou qu'on en a créé. Donc, pour se maintenir, ils doivent valoriser le nucléaire parce qu'ils vivent là-dessus. Alors que l'idée, ce serait plutôt, si on sait que le nucléaire, ça cause des problèmes, ce serait d'essayer d'en sortir, mais eux vont devenir une force, un lobby en faveur du nucléaire parce que sinon, hein, ils ont plus de raison d'être. Donc, c'est un peu la logique de toute classe ou caste. C'est qu'ils vont tout faire pour se perpétuer, pour garder leurs privilèges. Oui, c'est ça, parce que c'est intéressant dans ce cas-là, parce que cette classe-là de clergé doit être financée d'une manière ou d'une autre pour être capable de continuer son travail. Et ça se peut que si jamais on bouge hors du nucléaire, le financement arrête, parce qu'on n'a juste plus nécessairement besoin d'eux autres. Parce que ben, dans n'importe quelle solution qui demande l'entretien de quelque chose, les gouvernements risquent toujours d'arrêter de financer les institutions qui protègent ou qui... Tout à fait. Et le rapport de Sébilloc, à ce niveau-là, était vraiment flou. Il a suggéré pour le clergé d'être relativement indépendant des courants politiques. Alors là, c'est facile à dire, mais en pratique, c'est à peu près impossible. C'est ça, il a pas mis des... Tu peux dire ça, mais si tu n'as aucune manière de procéder, il y a personne qui sait exactement comment procéder pour être indépendant des courants politiques, parce que la politique, c'est ce qui mène la vie dans la civilisation depuis très longtemps, depuis qu'on s'est organisé en Oh oui, non, non, c'est une dimension inhérente la société. de toutes les sociétés, là. Absolument. Il n'y a pas de société où il n'y a pas de C'est politique. ça. Ça se présente de manière différente. Oh ouais, mais il y en a même chez les singes, ça. Ouais, après, il y en a qui vont débattre que c'est pas de la politique, mais moi, je suis d'accord que ça en est, dans une certaine mesure. Tout dépend de la définition, justement. Mais là, on reparlera de ça parce que c'est lié à mon doctorat, à ma thèse. Oh, c'est vrai, c'est bon ça. La thèse, le doctorat, la thèse de doctorat non mentionnée jusqu'à présent, mais. Ouais, ben là, on a un glimpse of it. Là, on en est où? ça fait à peu près 50 minutes qu'on parle. Si tu veux, t'as un petit peu de temps pour parler de Max Weber? Ah oui, ben c'est ça. Ben Max Weber a formulé une chose vraiment intéressante il y a très longtemps. Max Weber est un sociologue allemand assez connu, à l'origine quand même de la fondation de la science sociologique avec Durkheim, avec Mauss, avec d'autres. Et donc, dans un bouquin qui s'appelle Le savant et le politique, Weber a suggéré que le rôle du scientifique était, du savant, du scientifique, était de ne pas se mêler de politique et, dans le fond, de garder son rapport justement sceptique, critique. Aujourd'hui, on dirait être capable d'opérer des constructions sur des problèmes. Et donc, d'être objectif. Évidemment, c'était l'époque du positivisme, là, et donc, on vise l'objectivité. Je pense que c'est toujours un idéal. À l'opposé, le politique n'a pas du tout ce devoir-là. Hein. Il n'est pas contraint par ce type de devoir. Au contraire, le politique est contraint par son seul maintien dans son rôle de pouvoir. Essentiellement, si on regarde concrètement quelle est sa tâche, il semble que ce soit ça. Indépendamment là, de nos croyances démocratiques, etc. Puis même en démocratie, on se rend compte que ça finit par se réduire à ça. Une députée est élue. Dès qu'il est élu, il vise à se faire réélire. On le voit souvent dans l'électoralisme des partis où ils font des politiques gouvernementales. Comme certains partis politiques présentement au Québec, qui, on peut le voir, on amorce une période où il va y avoir des élections et les partis politiques commencent leur politique électoraliste où ils redonnent de l'argent après en avoir coupé un peu partout. Ouais. Donc, la politique veut continuer à se faire réélire, donc elle met en branle des stratégies pour le faire, comme... Le bon vieux truc de Machiavel. Ouais. Si t'as des coupures à faire, fais-les toutes d'un coup. Tu vas avoir du mécontentement, mais pas tant que ça. Puis au pire, tu vas être renversé. Mais ça vaut la chance d'essayer. Après, tu peux toujours redonner, puis tu vas créer du bonheur. Je l'ai jamais écouté au complet, mais il y a un documentaire de Denis Arcand qui s'appelle Le confort et l'indifférence. Ah ben oui, on l'avait vu ça au cégep ensemble. On avait vu des extraits. Peut-être, ouais. Je pense pas qu'on l'ait vu au complet, mais on avait vu le gars qui avait mis du minou dans sa vanne. Non, je me souviens pas de ça. Je me souviens du gars qui boxait. À un moment donné, ils font comme un concours de boxe, les rouges contre les bleus. Souvenirs. Non, étrange, hein. c'est drôle. La subjectivité. Qu'est-ce que c'est? Mais il est disponible sur l'ONF présentement. Ah ouais. Tu peux écouter tous les films de l'ONF sur l'ONF. C'est absolument. Moi, de toute façon, je pense qu'on peut les voir à partir du site de la bibliothèque, de la grande bibliothèque. Ah oui? Ouais, puis tu peux même voir tous les critérions. Tous les critérions sur la grande bibliothèque? Ben, à moins qu'il ait changé ça, tu te connectes, puis tu as accès à plein de films en streaming. Ah ouais? Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Mais juste pour dire quand même, pour continuer dans ma lignée, c'est tous les films de l'ONF, que l'ONF a produits sont disponibles sur leur propre site, dont Le confort et l'indifférence. Okay. Et Le confort et l'indifférence parle du référendum de 1980 du point de vue de Machiavel. Ah ouais. C'est Machiavel lui-même qui explique pourquoi ça s'est passé comme ça. Ah, ça, je me souvenais pas de ça. Ouais. Je pense que tu m'as convaincu, je vais aller le regarder. Ouais, il est dans ma liste, faut que je l'écoute bientôt. Je suis convaincu de mes amis de l'écouter, puis il a bien aimé ça. C'est pas quelqu'un qui est amateur nécessairement de cinéma documentaire comme ça d'habitude. Dans le temps que Arcand était très politisé dans le documentaire. Ouais. Avant qu'il fasse des fables sur le déclin de la civilisation. Juste avant. Pourquoi on parle de ça? Oui, ben le rôle du politique est très différent de celui du savant, donc on peut croire que dans une certaine mesure, si les institutions et la société telle qu'on la connaît se maintient, puis d'ailleurs c'est un peu ça qu'on voit actuellement, il y a des groupes, des organismes, plein de groupes d'intérêt qui militent contre le nucléaire et donc qui diffusent de l'information, qui l'enregistrent, qui la reproduisent, mais toujours avec en arrière-pensée, l'idée qu'il faut en sortir. Puis il y a toutes sortes d'autres lobbies, groupes d'intérêt, groupes industriels, etc., qui, eux, militent en faveur, parce qu'évidemment, ils font de l'argent avec ça. Puis, entre les deux, il y a des groupes qui disent qui se disent écologistes, mais qui sont pour le nucléaire, etc. Bon, il y a toute une variété, là, c'est un spectre. Mais on peut voir qu'aujourd'hui, il y a, d'une certaine façon, une sorte de clergé installé, mais un clergé extrêmement libéral, qui est moitié scientifique, moitié politique. Donc, il joue sur les deux tableaux, en quelque sorte. Puis, qui manifestement ne peut pas prétendre pouvoir nous protéger à travers les millénaires, mais qui, pour l'instant, fait un travail correct. Mais là, je suis en train de militer pour le statu quo, ou en tout cas de faire valoir le statu quo en disant « Oui, il y a déjà, en quelque sorte, le clergé est peut-être déjà là, dans la mesure où il y a déjà reproduction de l'information, il y a dissémination de l'information, il y a toutes sortes de groupes qui font en sorte que de l'information très, disons, au niveau du pathos circule, puis les scientifiques travaillent beaucoup à la transmission de l'information. » Oui, oui. Au niveau scientifique. Il y a une perspective que je n'avais pas pensé au début quand tu m'as présenté le sujet, c'est que ces études-là ont été faites dans les années 80, je pense. Le rapport de CBIOC, qui s'appelle Communication Measures to Bridge 10 Millennia, le titre exact, C'est 84. 84. Après, il y a eu d'autres rapports de Sandia Labs aux États-Unis qui datent de 91 et 93. Ça. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas encore envisagé les changements que l'Internet allait donner. Non. Au niveau de la dissémination de l'information. Non. Et le partage et justement aussi le stockage. Dans des serveurs. Les serveurs sont vulnérables. Les serveurs sont vulnérables, mais... L'information est copiée en plusieurs endroits. Mais c'est ça. La structure de l'information a changé énormément depuis ce temps-là. Oui, mais fondamentalement, pas vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est que le clergé est facilité par cette technologie-là. Dans son rôle de dissuasion ou dans son rôle d'enregistrement et de conservation de l'information technique? Ben, un peu les deux, je pense. Ben, si tu regardes les vidéos conspirationnistes sur YouTube, tu te dis que les mythes se portent bien et que la crainte va bon train. Si tu regardes à quel point l'information technique et scientifique peut circuler, en effet, ça va bien aussi, même si ridiculement énormément d'articles scientifiques sont derrière un paywall, puis il faut que tu aies des accès académiques, universitaires pour pouvoir... Moi, j'en parlais avec Anne-Marie de ça, justement, que les articles scientifiques, je pense même avec Sébastien Monnet-Roy, sur le fait que c'est un peu ridicule que tant d'informations soient cachées, puis ça enfreigne... Ouais. Mais l'information existe sur des serveurs, OK, puis sur plusieurs serveurs, évidemment. Mais cette information-là, et puis ça, c'est le mythe du nuage, là. Ah, c'est dans le nuage, c'est magique, c'est accessible partout, tout le temps, ça va jamais disparaître. Non, non, c'est dans les serveurs, c'est matériel. Le nuage est physique. L'information elle-même est physique, c'est des électrons. Absolument. Ça a des propriétés dans notre univers. Ouais, sauf que si tu veux un service, une application qui est un service de stockage dans le nuage, t'adores ça, propager l'idée que c'est magique. Simon, on est arrivé pas mal au temps limite. Ouais, okay. Bon, on pourrait continuer à en parler, mais ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle, je pense. Ah ben, c'est le temps qui nous était imparti, on va s'arrêter. Ouais, j'ai aussi vraiment besoin d'utiliser le petit coin. Mais... ok. Ouais. C'est malaisant. Ouais. As-tu une certaine forme de conclusion à nous dire là-dessus? Ben, j'inviterai ceux qui s'intéressent à ce que j'ai dit aujourd'hui... je les inviterai à lire mon article, là, parce qu'évidemment, on a pu aborder quand même, grosso modo, tout le problème, mais il y a des nuances qui manquent, puis il y a d'autres solutions dont je n'ai pas parlé, qui sont aussi saugrenues, là, qui sont très intéressantes. Là. Rapidement, transformer le paysage pour le rendre naturellement repoussant. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Des épines et des trucs, ça, c'était un designer paysagiste qui avait proposé ça. Michael Brill. Il y avait un autre écrivain de science-fiction qui s'appelait Gregory Benford qui a proposé essentiellement, il a repris l'idée de Thomas Sibiot sur créer un high church. Mais là, ça, c'était comme vraiment un roman. Là. Mais il a écrit quand même tout un bouquin qui s'appelle Deep Time. Ça, c'est cool. Pour ceux qui s'intéressent, dans le fond, à comment on peut penser, dans le fond, le temps long. Il y a une fondation qui s'appelle aux États-Unis The Long Now Foundation. Puis, c'est ça. Sinon, si on cherche Deep Time, on peut trouver plein d'informations là-dessus. Fait que ce serait ça. Moi, j'invite les gens, finalement, à creuser, puis à poursuivre leur curiosité. C'est vraiment intéressant, Simon, man. Je suis content que tu sois venu ici pour nous parler de ça. Bien, merci de m'avoir invité. Ah, ça fait plaisir, man. Puis, juste pour dire, ton article est disponible sur Signe Noir? Ouais, dans le fond, il est disponible entièrement gratuitement. En version intégrale, on peut même télécharger le PDF. Et puis, c'est sur le site d'une revue scientifique qui s'appelle Revue Signe Noir, le signe comme l'oiseau. Donc, c'est une revue qu'on a appelée Revue d'exploration sémiotique. Et puis, c'est ça, c'est en ligne. Vous tapez mon nom, Simon Lévesque, Revue Signe Noir, ou bien Nucléaire Signe Noir. Vous allez tomber dessus. Excellent. Mais merci de m'avoir laissé faire ma petite promo. J'y gagne rien à diffuser ça, sauf disséminer la connaissance. Exactement, puis ça me fait plaisir que ce genre de connaissances-là soit disséminée. Sur ce, merci Simon, et je dirais fracturation hydraulique. Fracturation? Fracking. Fracturons!